3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks, on est de retour, encore un lundi sur KNF TV, à The Knicks Week. C'est la bonne façon de démarrer la semaine, l'épisode numéro 78. C'est dire, c'est fou, c'est un tour d'épisode. Et encore une fois, bien accompagné avec mon ami Auberé, Seb, aka Choubix le Gaulois. Comment vas-tu bien ? Eh bien écoute, ça va, tu vois, je sors du Super Bowl, je reviens de Las Vegas là, écoute, oui, je suis en duplex. Et écoute, très bien. Non, très bon match, Patrick Mahomes dans la légende. Donc, écoute, super. Et puis, bah, semaine d'Enix réussie à certains niveaux, à d'autres moins. On va en parler. Bon, c'est pas Seb le mytho, c'est pas Seb le mytho. Il est pas en direct de Vegas. On taira sa localisation géographique, mais il y a un peu de soleil quand même. Fait. Oui, tout à fait. Plus que par chez moi. Oui, Joanie, totalement, Joanie, oui. Écoutez, ici, à Las Vegas, tout va bien, merci à tous. Voilà, oui, James, j'arrive. On est parti sur un grand numéro de comique, mais on est surtout parti pour un bon petit moment où on va parler de Knicks. Il me lâche pas, il a vu l'émission et il me dit « Oh yeah, it's Sébastien de KNF TV ». Ouais, James, deux minutes. La sphère, t'as pris la James, sphère. James, j'ai une émission à faire, on se voit après. Allez, on perd pas plus de temps. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de choses à dire. Il va falloir qu'on parle aussi de trade deadline. Oui, oui. On va parler peut-être un peu d'infirmerie, sûrement. Allez, on perd pas plus de temps. On envoie le jingle et c'est parti pour l'épisode 78. Et pour bien commencer l'épisode 78, on va rendre tout de suite hommage à ceux qui viennent de passer déjà 25 ans au micro ensemble. Et oui, Mike Breen et Walt Frazier, deux Hall of Famer, un double Hall of Famer en ce qui concerne Walt Frazier, parce qu'il est Hall of Famer en termes de joueur, mais également en termes de commentateur sportif, en termes de journaliste, en termes de personne des médias. Et oui, la semaine dernière, ils fêtaient leurs 25 ans passés ensemble. Alors j'avoue, je ne sais pas quelles sont les noces. Hein. Est-ce que c'est les noces de coton, de je sais pas quoi, pour 25 ans de bons et loyaux services à la cause des Knicks et de mariage ensemble au micro. Mais voilà, 25 ans passés ensemble, ça fait un duo qui compte, mine de rien, dans la famille des Knickerbockers. Mike Breen, on le voit de temps en temps donner un peu de service pour d'autres franchises, pour d'autres moments en NBA. Mais voilà, notre duo de commentateurs fétiches est célèbre et sapé comme jamais. Ont été remerciés, ont été célébrés comme il se doit en ce début de semaine dernière. Voilà, on les aime bien, Mike et Walt, n'est-ce pas, Seb ? Les Hall of Famers. Parce qu'ils sont Hall of Fame des commentateurs, tout à fait. Quoi. C'est ce que je disais. Et c'est assez touchant en plus parce que Mike Breen aime souvent le répéter que lorsqu'il était jeune, son idole était Walt Frazier, quoi. Et il avait son poster chez lui, ouais, dans sa chambre et qu'il disait voilà, moi je t'ai connu joueur, j'étais fan de toi joueur. Maintenant je te côtoie en tant que commentateur et j'aime tout autant l'homme que le joueur, quoi. Enfin, c'était assez émouvant, c'était une bonne soirée. C'était sympa. Faut qu'on en profite, parce qu'on sait pas combien de temps ce duo va encore durer. Walt avait laissé prétendre qu'il pourrait prendre sa retraite prochainement. Ah, santé va aussi peut-être le rattraper, et on le voit peut-être un peu moins souvent au micro cette saison. Il y a des déplacements qu'il ne fait plus. Donc profitons de cette légende qui a toujours le phrasé fleuri, je dirais, et les costumes plutôt colorés. Le sang de la formule. Les Américains aiment le spectacle et ça, Walt, il adore. Ah bah lui. Bon, au rayon spectacle, je sais pas si nous, on fera 25 ans de The Knicks Week sur KNF TV, mais en tout cas, il va y avoir du spectacle le week-end prochain, le week-end de cette semaine. Pourquoi ? Parce que c'est le All-Star Weekend. Alors oui, beaucoup de gens vont dire le All-Star Game, c'est claqué, les joueurs jouent plus, il y a une déferlante de points, ça ne ressemble plus à rien. Admettons, mais il y a sur le week-end une soirée des concours, et cette soirée des concours, elle va être bien représentée, bien teintée de orange and blue, puisque au concours à 3 points on aura Jalen Brunson, ça on le savait déjà. Et il y a le petit Taupin, le frère, pas Obi, Jacob, qui va venir représenter les couleurs new-yorkaises. Le Little Taupin. Le Little Taupin. Mais le Little Taupin qui a quand même un peu de jump, qui a tendance à sauter plutôt haut. Et si il est monté sur les mêmes ressorts que son frangin, il y a pourquoi pas une possibilité d'aller chercher quelque chose sur cette soirée des concours. T'as vu là, il a sorti une stat historique là avec les Worcester Knicks là. Il a marqué plus de 40, il a marqué plus de 40 points, pris plus de 15 rebonds. Visiblement, il a sorti une masterclass avec l'équipe de G League et c'est des stats historiques de trucs. Bon, après voilà, c'est de la G League quoi, mais ça reste de la G League, mais il est en forme en ce moment. J'ai téléchargé l'application, j'aimerais bien voir et jeter un œil justement. Mais j'arrive pas en fait à arriver à choper des matchs, à voir ce que ça donne la G League au niveau du niveau et puis au niveau de l'intensité des matchs. C'est dommage parce que ça va être un peu quand même un peu la foire à neuneux quoi le truc. Donc. C'est une belle plateforme pour montrer des stats, pour essayer de grappiller un peu de visibilité et pourquoi pas décrocher un petit bout de contrat. On verra, parce que côté Knicks, il y a quelques absences en ce moment, on va avoir l'occasion de revenir dessus. Et est-ce que Taupin pourrait briller à un moment donné, avoir sa chance, saisir sa chance avec les vrais Knicks, ceux de New York et pas de Westchester ? On verra. En tout cas, il aura l'occasion de se montrer et essayer, pourquoi pas, de briller lors de ce concours de dunk. Donc ça fait un représentant de plus, une raison de plus de regarder cette soirée des concours le samedi, dans la nuit du samedi au dimanche. Et on ne sait pas, l'année dernière, c'est bien un joueur qui est arrivé de G League, qui a remporté le trophée, le petit Mac McClung. Ouais, mais lui, par contre, il est monté sur ressort, quoi. Et il n'est pas bien grand, le garçon. Mais allez, il est incroyable. Incroyable. Allez, un autre qui est incroyable, qui n'est pas bien grand et qui pour autant fait briller et fait parler de lui, c'est Jalen Brunson. Bah oui, Jalen Brunson, vous le connaissez ici, tout le monde le connaît, vous connaissez la célébration avec les trois doigts face au visage. Ça commence à rentrer dans les mœurs et on en voit un peu plus à droite, à gauche, même en NCAA. Mais Jalen Brunson, il a eu le droit de faire son petit entrée au Jimmy Fallon Show, le talk show réputé et connu new-yorkais. Bon, il a fait le service sympa comme il se doit, avec les petites anecdotes qu'on connaissait déjà, hein, le fameux jersey non signé par Michael Jordan parce que le petit Jalen, il voulait pas qu'il le salisse son jersey. Bon, depuis, il regrette ça. On la connaissait cette anecdote et puis cette petite confession intime de Jalen Brunson qui aime bien écouter du Justin Bieber avant ses matchs. Bon, voilà, ça te regarde Jalen, ça te regarde, mais c'était sympa ce petit passage et pourquoi pas une façon aussi de gagner un petit peu en visibilité, en starification du côté de New York. Et puis le début avec façon slam, la chanson de match All-Star, c'était marrant aussi. Non, mais écoute, je trouve que ça assoit, dans ce genre d'émission, ça assoit, je trouve, son côté patron, quoi. C'est le patron de l'équipe. Je verrais moins un Julius Randle dans ce genre d'exercice. Et parce pourtant, que il l'a fait un peu plus tôt dans la saison. Est-ce que c'était chez Jimmy Fallon? J'ai un doute, mais il l'a fait. Il a présenté notamment ses nouvelles chaussures, ses Skechers. Donc, il y est passé aussi. On avait eu précédemment Kristaps Porzingis, Carmelo, RG Barrett. Ce sont deux timides, quoi. Après, les deux, ce sont plutôt deux timides. Mais j'ai trouvé ça sympa, en tout cas, c'était... Bon, après, voilà, c'est chez Jimmy Fallon, hein, genre, lui, il surjoue, t'as une mouche qui pète, il serait en mode « Ouah, c'est génial !» Tu vois, enfin, donc, bon, c'est avec le public en folie qui crie pour le moindre truc, mais bon, écoute, c'était sympa. Voilà, c'était la petite sortie du week-end à la télé. Des sorties, il y en a eu d'autres dans la semaine et il y a eu une grosse actualité. Alors oui, Jalen Brunson et Josh Hart ont sorti leur première émission de leur podcast, donc The Roommate, c'est ça je crois le nom. On vous invite à regarder, écouter, voir, enfin bref, à consulter comme n'importe quelle émission. Il y aura sûrement de bons petits moments à venir en perspective avec ce duo. Visiblement. Le prochain invité de leur podcast est Mikal Bridges. Voilà, bizarrement, un troisième larron de Villanova. Une personne de Villanova nous a quitté, par contre. Eh oui, c'est Ryan Archidiakono. Ryan Archidiakono, pourquoi pas. L'homme qui a fait tous ses matchs sans marquer un point. Voilà, il est parti avec un record tout de même. Eh oui. Une vingtaine de matchs sans marquer un point. Ça a été signé, ça a été notifié par Josh Hart et Jalen Brunson. Ils ne l'ont pas loupé. Est-ce que c'est ça qui a valu sa tête à Ryan Arcidiacono lors de la trade Ouais, c'est deadline? sûr. C'est sûr. Je pense que voilà, faut pas chercher bien loin pourquoi il a été trade. Un joueur Bah, qui c'est ne produit performant. pas n'est plus un joueur et pas assez performant. Non, petite blague au passage. Mais effectivement, il fait partie de ceux qui partent, ceux qui quittent les Knicks, ceux qui vont prendre la direction du Michigan. Est-ce qu'il va jouer avec Détroit? À voir. Il est accompagné de Malachi Flynn, qu'on a pu voir un petit peu, qui a lui réussi à marquer quelques paniers tout de même. Et The voilà. Evil Et surtout, Evan Fournier et Dante. Et Quentin Grimes, voilà. c'est les deux personnes, les deux joueurs les plus notables de ce trade, de cette trade deadline qui quitte les Knicks. Bon, la situation d'Evan Fournier, elle a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Beaucoup, Ah beaucoup de oui. personnes se sont exprimées, à tort ou à raison, je ne sais pas, sur le On cas va de enfin nous Evan. Mais lâcher avec ça, quoi. pourquoi ne joue-t-il pas à New Oh York? ouais, c'est Est-ce que New York est insupportable. en train de gâcher son prime et tout? On en a entendu beaucoup. Voilà, le passage d'Evan à New York, c'est terminé. Est-ce qu'il va pour autant jouer à Détroit? Ça, c'est une autre interrogation. Pour l'instant, les Detroit Pistons n'ont pas fait jouer les joueurs qui sont arrivés dans le cadre de son trade. Alors que New York a réussi à faire jouer Alec Burks et Bojan Le Bogdanovic. truc, c'est Donc. que parce que je voyais partout libérés, délivrés, ils étaient tous là. Tout... En fait, je vais t'avouer que moi, j'étais assez satisfait que le trade ait enfin lieu. Parce que j'en pouvais plus, là, de toutes les sorties médiatiques de nos chers médias, FR, basket. Oui, comprends pas, Evan, machin, Evan par-ci. Evan, c'est un joueur important pour l'équipe de France parce que un des plus talentueux. Mais c'est un lambda en NBA. Et de ce qu'il fait, beaucoup de joueurs, chaque année, des rookies, beaucoup de joueurs qui arrivent font la même chose que lui, quoi. Et le problème, c'est que lui, il n'a plus joué par rapport à un déficit défensif. C'est pas parce que Thibodeau l'a pris en grippe, c'est qu'à un moment donné, défensivement, c'était compliqué. Et le pire de tout ça, c'est que beaucoup ont souligné aussi ça avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Et après, derrière, ils font les frustrés en disant, mais on ne comprend pas, New York, pourquoi est-ce que... Enfin, Pire l'équipe... franchise du monde, équipe mal gérée, Voilà. ouais, Donc, on y va pour les clichés. assez satisfait de son départ parce que enfin lâché. Parce qu'il faut voir aussi sur X, ex-Twitter, ah, les totos qu'il peut y avoir. Enfin bref. Ça peut être gratiné parfois. Ouais, qui réfléchissent pas loin, pas plus loin que le bout de leur nez, qui vont pas regarder un peu ce qui se passe. Donc écoute, il part. Maintenant, libéré, délivré. Bah écoute, déjà, quand tu regardes sur son poste en arrière, Il y a de la concurrence encore. on a évidemment Quentin Grimes, hein, qui arrive avec lui sur le poste. Qui lui avait piqué sa place de titulaire à New York, hein, il faut le rappeler. Exactement. On a évidemment Jaden Ivey, qui a été drafté l'année dernière, donc sur qui ils mettent beaucoup d'espoir. On a évidemment aussi un Shake Milton, qui a 5 ans d'expérience. Donc, On a un combo guard avec Kate Cunningham, donc il t'as n'y a Kate plus Cunningham Killian Hayes. et Marcus Sasser, ça c'est le meneur et son remplaçant. Il n'y a plus Donc, Killian Hayes qui a été coupé aussi il y a, lors de cette trade deadline voilà. Et côté là, maintenant, Détroit. vu qu'ils n'ont plus rien à jouer, pourquoi est-ce qu'ils iraient s'enticher de faire jouer un vétéran de 11 ans de carrière NBA, alors que, bon, ils peuvent filer du temps de jeu à un jeune joueur, dans l'espoir, en fait, de le faire développer et compagnie. Donc, voilà. Pour l'instant, les premières déclarations de Monty Williams ne laissent pas entendre dire que oui, il croit en Evan Fournier. Bah, Il y a un deal après. qui a été fait notamment d'un point de vue salaire pour équilibrer les choses Évidemment. entre le contrat partant de Bojan Bogdanovic. Ben celui qui tient le Voilà, trade, c'est Quentin Grimes. C'est Quentin Grimes c'est qui tient le ça. trade. Les autres sont juste là pour combler du salaire. La pièce centrale du trade est Quentin Grimes. Et c'est pas Evan Fournier. Evan Côté Fournier est là Détroit, pour. pour matcher le salaire de Bojan Bogdanovic. C'est tout, en Alors fait. on le rappelle, donc il y a 4 joueurs des Knicks qui quittent New York. Il y en a 2 qui arrivent, Bojan Bogdanovic et Alec Alec Burks. Burks. Il y a également deux second tours de Second. draft, pardon, qui sont partis dans l'affaire. Au final, un trade pour 2 joueurs qui partent, enfin 2 joueurs qui arrivent, 4 qui partent, sans first pick de données. Ça, c'est un élément notable, surtout pour une équipe on va dire, en cours de reconstruction, qui est les Detroit Pistons. On peut dire que c'est un move malin de la part de Léon Rose, qui avait besoin de trouver des apports au scoring en sortie de banc, des joueurs plutôt vétérans, des joueurs prêts à l'emploi. Alec Burks, on le connaît, il connaît la maison et on a pu le voir à l'œuf sur le premier match. Bojan Bogdanovic, c'est un joueur qui était capable de scorer une vingtaine de points, qui avait de beaux pourcentages, qui a un profil 3, 4. Alors, on l'a vu sur certains montages des médias le positionner en poste 2. Je pense pas, je vois pas pourquoi Tom Thibodeau irait l'utiliser en poste 2. Donc là, on avait un déficit de rotation derrière Julius Randle, là on manquait peut-être un petit peu de présence à l'intérieur ou de joueurs capables d'étirer le jeu. On récupère un Bojan Bogdanovic qui est plutôt une bonne pièce par rapport à ça, qui va être content de jouer dans une équipe qui joue quelque chose, parce qu'à T3, c'était une saison quand même plutôt tristouille. Donc les deux ex-Pistons vont plutôt bien s'acclimater. Bojan Bogdanovic, il s'est tout de suite exprimé, hein, il a dit il était passé, hein, auparavant aux Nets, mais pour lui, la vraie franchise de New York, c'est bien les Knicks, et il a tout de suite été séduit sur sa première sortie. Donc de quoi Il mettre a, le public dans sa poche, quoi. il a pas vraiment dit ça. Il a dit qu'il a joué aux Nets, mais que tous ses amis Était fan des Knicks. New-Yorkais étaient fans des Knicks. Après, juste pour une dernière chose sur Evan, parce qu'on lui souhaite évidemment de la réussite. Moi, évidemment, que je souhaite qu'il joue aux Pistons. Parce que En vue déjà, des échéances de l'été. déjà, au vu des échanges de l'été, au vu de son professionnalisme, parce qu'il n'a jamais rien lâché avec les Knicks, il est toujours venu se préparer comme s'il allait jouer 30 minutes. Il a jamais arrêté tout ce côté-là. Il a toujours été salué pour son professionnalisme. On lui souhaite évidemment toute la réussite qu'il pourrait avoir. Nous, on est un média, j'allais dire. Oui, on est un média quelque part qui suit les Knicks. On suit cette franchise des Knicks parce qu'on est pour les Knicks. On a des joueurs, les joueurs passent, mais la franchise reste. Donc voilà, Evan Fournier, ça s'est Ça a fini bien comme ça passé. s'est fini. Mais on lui souhaite évidemment le futur, enfin le meilleur pour le futur. On n'a rien contre lui, mais après on comprend aussi les choix. On est là aussi pour décrypter, pour essayer de comprendre les choix du coach. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a amené à faire ça. J'avais écrit d'ailleurs à l'époque, l'année dernière, un papier en expliquant avec des chiffres à l'appui de pourquoi finalement ça avait été bénéfique que Evan sorte de la rotation. Voilà. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil si vous avez le temps, c'est sur le blog. Mais sinon, voilà, pour Evan, écoute, j'espère qu'il va jouer, puis on espère justement que ça fasse de la bonne prépa pour la Coupe du Monde. Et Non, il a ensuite, donc, été. Son professionnalisme a pour les été JO. Pour salué les JO. et effectivement, on lui souhaite le meilleur. Ça sera peut-être pas à Détroit. Par contre, il y aura peut-être une question de buyout. Il va peut-être falloir qu'il Pas pour soit l'instant prêt lors à du JO, concéder de mais. lâcher quelques millions de dollars. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Donc, c'est encore à surveiller. On va Et voir quels puis. seront les prochains Et puis. matchs des Pistons. Et puis, Qui si on revient veut. sur l'autre qui part, Quentin Grimes, l'autre personne, Mais on va là. dire, marquante de ce trade, là, quel est ton ressenti? Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce que, au contraire, on est arrivé au bout d'une certaine forme de cycle avec Grimes? Le ressenti n'est pas le même, puisque Evan était un joueur qui était habitué au DNP. Ce qui concernait Quentin Grimes, il jouait encore, il n'était plus titulaire, mais il jouait en sortie de banc. Il a eu des moments où c'était avec de la réussite, d'autres un peu moins. Il semblait quand même avoir retrouvé un rôle en sortie de banc, même si ça ne Complètement. semblait pas être sa pleine satisfaction, parce qu'il y a aussi, on l'a dit depuis un moment, de la concurrence au poste côté Knicks. Voilà, c'est une page qui se tourne aussi pour Quentin Grimes, c'est peut-être un sentiment d'inachevé, je serais tenté de dire. Complètement. Ouais, d'inachevé parce que, comme j'ai expliqué sur Twitter juste après son trade, pour moi, il n'est pas allé là où j'aurais aimé qu'il aille. Est-ce parce que finalement son plafond n'était pas aussi haut qu'on pouvait le penser? Est-ce que parce que son mindset n'était peut-être pas si, entre guillemets, dog que ça? Il nous a montré par moments de super choses, parce que c'est un super gars, c'est un super jeune joueur. Il va avoir 24 ans, hein, en mai. Le 8 mai, il aura 24 ans, donc ça sera plus le petit genou de service. Il a été drafté quand même assez tard, il a fait un cursus universitaire un peu plus long. Bon défenseur, bon, évidemment bon défenseur au périmètre. Maintenant, au niveau de l'adresse, quand ça rentre, c'est fabuleux. Quand ça rentre pas, ben, comme joueur, c'est comme tous les joueurs, c'est compliqué. Et le problème, c'est que lui, il était vraiment sur courant alternatif. Un vrai manque de régularité là-dessus. Je peux comprendre le trade, puis de toute façon, comme je te dis, pour moi, le trade, c'était lui la pièce centrale de ce trade. Et je pense que Le valuable, quoi. je pense qu'à Détroit, ça va amener un autre profil aussi, et notamment de défenseur externe, qui ne peut être que bénéfique à cette équipe. Ouais, non, un triste un peu de le voir partir, pas aussi triste quand je vais partir à Emmanuel Quickly, évidemment, mais triste de le voir partir parce que c'était un gars sur lequel je m'étais dit, c'est le genre de profil que dans des équipes NBA qui vont loin, On a besoin. c'est important, voilà, ce côté vraiment free and D. Et lui, il était peut-être plus un et demi Dit. D. Voilà. C'est-à-dire que ça rentrait pas toujours, mais bon, en tout cas, il mettait du cœur à l'ouvrage. Et puis, je pense aussi qu'il a payé, bon, voilà, évidemment, la bonne saison de Donte DiVincenzo. Ouais. Ses déclats aussi, ses déclats de demi-saison, en disant qu'il jouait moins, compagnie. Sa sortie du 5 a fait que, je pense, que ça lui a fait un peu de mal. Moi, je pensais que ça allait le libérer plus. Je pensais pas, j'avais vraiment pas vu. La sensation, l'éclosion d'un Miles McBride qui se Ouais. retrouve le Le Highlander dernier. de tous ces jeunes joueurs. C'est-à-dire que si on m'avait dit en début de saison de cette année, Miles McBride sera le dernier des Mohicans de De tout tous les jeunes. notre young core, quoi, notre jeune garde, c'est-à-dire les RJ Barrett, Emmanuel Quickly, Quentin Grimes, Obi Toppin, si on m'avait dit, bah, et Miles McBride, si on m'avait dit, bah, c'est Miles qui va rester. Je t'aurais dit non, c'est une connerie. Et en Après, fait, est-ce si. qu'il reste parce que c'est lui qui est moins valuable? C'est En possible attendant, il aussi. est resté. Mais en tout cas, En attendant, il est là et il se montre. c'est le dernier des petits jeunes des joueurs draftés à Voilà. rester au Knicks, quoi. Et donc, voilà. Donc, si bien que, ouais, Quentin Grimes, quand même, petit pincement au cœur, quand même, parce que ça a été un joueur qui aura donné beaucoup de choses sur le maillot des Knicks. Comme j'ai dit aussi, cette jeunesse nous a permis maintenant a permis de pouvoir relancer la machine Knicks avec évidemment un gros Julius Randle. Ça a permis après de faire venir des Jalen Brunson et tout ça, de redonner une nouvelle image plus chatoyante des Knicks. Et cette jeune équipe travailleuse, sérieuse, qui n'a jamais fait de drama, jamais sorti médiatique houleuse, des vrais super gars, des vrais joueurs de basket, a permis de relancer cette machine. Voilà, maintenant ils sont tous partis, on les a échangés, mais c'est grâce à eux si on en est arrivé là. C'est grâce à Tout eux à fait. si maintenant on a une équipe qui est compétitive. Donc rien que pour tout ça, moi je leur dis merci à tous et à jamais Knicks, à jamais Knicks. Peut-être que certains reviendront un peu à Alec Burks, mais en tout cas On verra. à jamais Knicks parce que ils sont pas partis en conflit. Et ils ont toujours montré une super image, ils ont toujours tout donné. Donc moi, ces petits jeunes, je trouve que on avait bien drafté, quoi. On avait bien drafté. Est-ce qu'on a bien recruté lorsque c'était la free agency pour Evan? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, comme tu l'as dit, Quentin Grimes, petit passement au cœur. Moi, j'en avais fait mon joueur à suivre cette saison. Oui, Bon, bah c'est voilà, vrai. finalement, Voilà. Suivez-le à le suivi Détroit. de sa saison, on suivait-le ailleurs. Est-ce qu'il sera titulaire à Détroit? C'est pas gagné non plus. Donc là aussi, il va falloir qu'il montre J'avais des pas fait de choses. Il va quickly, falloir qu'il moi. se booste. Moi, je veux rassurer. Ouais, bah Merci, écoutez, là. faut les suivre vite, hein, nos joueurs. En tout cas, voilà, c'est bien beau de vouloir pas prendre les valeurs sûres et de miser sur d'autres joueurs. Ah, Il on veut nous a faire les montré de belles choses. fantaisistes. On veut faire les Non, mais fantaisistes. il nous a montré de belles choses. Il a perdu sa place, comme tu l'as dit. Il y a la concurrence de Donte DiVincenzo et ses signatures, ses recrues ne sont pas anodines. Parlons un petit peu maintenant, vite fait, avant d'attaquer la suite des éléments qu'on voulait regarder. Les Des arrivées, arrivées. donc Alec Ouais. Burks et Bojan Bogdanovic, des joueurs vétérans. Donc d'une Bien certaine sûr. façon, on est plutôt dans une optique de win now, même si les objectifs, on va venir dessus. Voilà, on n'est plus sur une thématique de développement de jeunes, développement de joueurs. Il fallait du scoring. Du scoring a été apporté. Est-ce qu'on n'a pas au contraire perdu en termes de défense? Parce que Quentin Grimes, on l'a dit, c'était peut-être plus un 1,5D qu'un 3D, mais il y avait quand même la D dedans tout ça. Et là, Mais est-ce elle a qu'on va dit. pas en manquer en sortie de banc? À voir. En tout cas, dans la seconde unité, c'est des Ça joueurs qui, peut être pour le compensé. moment, vont avoir des places plus ou moins de titulaires parce qu'il y a des absents, mais on est d'accord que c'est des joueurs qui ont une vocation à être des joueurs du banc, surtout que Complètement. Bogdanovic, il est plus tout jeune non plus. Il est plus tout jeune, donc 34 ans, le pépère. ouais, il va sur ses 34 ans. 35 gentiment. Après, il est arrivé à NBA à 25 ans. Donc, tu vois, assez tardivement, finalement. Alors, c'est un Croate à ne pas confondre avec son homologue Bogdanovic serbe qui joue à Exactement. Atlanta. Hein. Donc, Bojan Bogdanovic est le nôtre. C'est un c'est le Croate. nôtre. C'est Bojan, pas Bogdan. C'est l'ailier fort. Bogdan Bogdanovic, c'est facile à retenir. Hein. Bogdan Bogdanovic, alors, les parents, ils avaient envie de se faire un petit kiff, quoi. Bogdan Bogdanovic. C'est comme si moi, mes parents, ils m'avaient appelé Sébastienvic. C'est rigolo. Donc Bogdan Bogdanovic, lui, c'est l'arrière serbe de Atlanta. Ne Donc pas voilà, ne confondre, pas hein, s'il vous confondre. plaît. Après, concernant Bojan, bah, écoute, on est sur un ailier fort shooter qui bah, comme tous comme tous les joueurs des Balkans, est ce qu'il est en plus savoir quoi en faire. C'est-à-dire que bah, voilà, l'école serbo-croate. N'a plus, n'a, n'a, sa, leur réputation est faite hein, de joueurs ayant du basket jusqu'au bout des ongles quoi. C'est un joueur qui écoute a quand même de solides stats en carrière, qui a surtout pu, tu vois, il tourne en carrière Bonne depuis expérience maintenant quand même. de bonne expérience, il tourne en carrière à quasiment à 40% à 3 points, 39,5 on peut dire 40 hein. Allez, je vous rajoute les 0,05, on arrondit tout Ouais, c'est ça. gratuit. Donc voilà, c'est papa qui On va offre. laisser peser. Donc quand même, donc on est sur un joueur qui tourne à 16 points de moyenne, à 40% à 3 points, c'est pas rien. Tu vois, donc avec 3 rebonds et 2 passes. Ce sont des stats, tu vois, pour un role player qui sont totalement solides. Jusqu'à présent, c'était quand même quelqu'un qui était plutôt titulaire. Là, pour lui, ça va être il va sortir du banc, hein, parce qu'on est sur quelqu'un qui a joué 691 matchs en carrière et 572 en tant que titulaire. Donc là, ça va être nouveau pour lui, ce rôle de super sub, on va dire, un peu avec Alec Burks, quoi. Que dire de plus sur lui? Bah, c'est quand même quelqu'un de grand qui va justement amener cette polyvalence. Il va étirer les défenses, donc ça ne peut être que bénéfique Parce que pour. ça, c'est un point de détail sur lequel je souhaite qu'on accorde un peu d'importance. Jusqu'à Ouais. présent, les Knicks, c'était une équipe plutôt petite. On avait du JB, on avait du Dante, du Josh Hart, Quentin Grimes, c'est pas le plus grand non plus. Non. Evan Fournier, bon, il était encore moins grand quand il était assis sur le banc. Mais ça RJ, pour dire qu'on est. ça dépassait pas les 2 mètres, hein. On a apporté de la taille avec OG Anunoby, on a apporté de la taille bien sûr avec Precious Achiuwa, on apporte de la taille avec Bogdanovic. Donc là-dessus, les Knicks vont retrouver d'une certaine forme un peu plus d'athléticité. Alors bon, Bogdanovic, c'est pas non plus le plus gros des défenseurs, c'est pas non plus celui qui va nous envoyer des highlights à tout va, mais en tout cas, on va gagner un peu de polyvalence au niveau des postes 3-4 quand Et il va du falloir défendre spacing. des joueurs assez grands et du spacing, la capacité d'étirer les défenses. Ça là-dessus, ça va être plutôt intéressant, plutôt bon Si tu pour te les fais autres un joueurs, 5, quoi. parce que si tu te fais un 5 en fin de match où il te manque un peu de points avec un Jalen Brunson en meneur, un Dante DiVincenzo en 2, un OG. Bojan Bogdanovic en 3, un OG Anunoby en 4 et un Julius Randle en pivot. Eh ben, va pas falloir trop s'éloigner de la ligne à 3 points, les défenseurs, hein, parce que Ouais. ça va vite ressortir et ça va vite tirer. Hein. Donc, tu vois, c'est. Voilà. Et puis, à côté de ça, On t'étires les défenses et forcément, ça permet à Jalen Brunson de pénétrer dans la raquette. Voilà, c'est. Non, il y a de la polyvalence, hein, c'est intéressant. Intéressant comme complément, comme renfort. Bien entendu, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui a vocation à être sur le banc. On va voir en fonction des blessures le temps de jeu qu'il va pouvoir avoir en attendant hein, que tout le monde revienne en forme. Mais voilà, en tout cas, les Knicks gagnent en densité, gagnent en expérience. C'est des joueurs qui, et en ce qui concerne Bogdanovic, il l'a dit lui-même en conférence de presse en arrivant, il a loupé qu'une fois les playoffs de sa carrière Il est passé NBA. par l'équipe de Utah, Utah Brooklyn, où est-ce qu'il les a loupés? À Détroit. Hein. Oui, à Détroit. Et voilà, il est passé par Utah, l'équipe de Donovan Mitchell et de Rudy Gobert de l'époque. Il est passé par les Indiana Pacers en 2017-2018, 2019. Avant ça, voilà, tu dis les Brooklyn Nets, notamment ben, quand il y avait eu le renouveau avec D'Angelo Russell. Donc, ouais, non, c'est un joueur Et tu l'as dit solide. aussi, il a joué avec Donovan Mitchell. De là à dire que c'est un move avant un move, voilà, on en reparlera l'été prochain. Mais en En tout tout cas, cas, c'est on a lâché la aucun recrue draft majeure. pick. Donc, C'est la on a recrue majeure de encore. ce trade. Il y avait beaucoup de rumeurs. On entendait parler de Dejounte Murray, de Jamal C'est vrai. Jordan Clarkson, pardon, j'avais mal Crawford. Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, Il y avait Malcolm eu du Brogdon. Il y Michael avait beaucoup de noms qui du avaient Colin circulé. Sexton. Ouais. On avait évoqué Burks sur cette chaîne. Ouais. Certains avaient dit ouais, bof, c'est pas ouf. Bon, bah, dans les faits, c'est Burks qui arrive. Et Bogdanovic était une rumeur qui traînait depuis quasiment un an. Bon, sans trop de bruit ces derniers temps. Et finalement, les Knicks ont récupéré les deux. Donc, ça s'est excité sur les dernières heures avant le trade en disant ah, les Knicks sont peut-être en train d'essayer de faire la doublette Burks-Bogdanovic. Ça semble un peu étonnant. Quelque part, je peux comprendre aussi la logique. C'est-à-dire, en fait, alors tu fais venir un ancien de la maison. Donc, il connaît les systèmes Tibbs, il connaît le Madison Square Garden. Il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, tu fais venir aussi donc, un mec au profil, comme tu dis, qu'on n'a pas et assez intéressant pour nous dans le futur, pour le jeu des Knicks. Avec un Burks qui va peut-être aussi lui permettre une intégration. Même si l'équipe... de Jalen Burks, de Alec Burks, finalement, c'est Taj Gibson et Julius Randle qui restent du We Here. Parce que tout le monde est parti après. Il n'y a plus personne hein, du We Here. Derrick Rose est parti, R.J. Barrett est parti, Quickly, Obi, sont tous partis. Thibodeau. Donc, oui, il y a Thibodeau, c'est un des principaux. Mais dans les joueurs, finalement, ils ne sont plus que deux. Et est-ce qu'on peut dire qu'en 2024, Taj Gibson est encore un joueur de basket, je sais pas. Mais en tout cas, il est là. Il a le mérite d'être là. Mais donc non, ouais, assez pas surpris. Je sais pas si ça aurait été mes choix. Mais après, je pense qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient aussi. Et avec ce qu'ils voulaient amener. Je pense qu'ils voulaient pas trop payer des joueurs en se disant, bon, parce que là, si on lâche du first pour, par exemple, un Dejounte Murray, si on lâche deux, mais que ça marche mal, ça fera deux transferts mal passés pour lui. Ça cote déjà que eux, Atlanta, avaient lâché 4 first pick. Là, maintenant, ils en demandaient deux. Qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal avec nous, quoi? D'autant qu'on parle plutôt d'un joueur titulaire en ce qui concerne Dejounte Murray. Et oui. Là, on est sur des joueurs qui sont plutôt du banc. Donc voilà, le renfort n'est pas le même. L'impact dans le jeu, dans la dynamique, n'est pas le même. Dante va garder sa place de starter. Mais voilà. Bien. De là, maintenant, il voulait pas casser la chimie. Tout à fait. Après, et puis finalement, les Knicks se sont plutôt bien positionnés en ce moment dans la conférence Est. Après, si tu veux, on peut faire vite fait un petit point contrat. On a donc un Bojan Bogdanovic qui son contrat se finit en 2025. Donc il lui reste encore un an à 19 millions. Donc il a, comme je t'ai dit, Evan, son ça salaire équilibre a servi, avec Evan, voilà. Et Alec Burks, lui, finalement, il est sur le salaire qu'on lui avait redonné à l'été 2021, quoi. Pour libérer de la place, pour signer Kemba et Evan. Bon, finalement, on l'avait signé. C'est rétro-pédalage, quoi. On l'avait re-signé juste après le We Here. Et ensuite, derrière, on va le trader. Plus la saison suivante, on le trade. Et on le trade pour le vol, justement, comme tu dis, pour faire. On le dump même. Hein. Lui et Nerlens Noel, on les envoie gentiment se faire voir à Détroit pour signer Evan et Kemba. Bon, voilà. Quelque part, on revient sur les erreurs du passé. C'est pas plus mal. Et concernant Alec Burks, donc, lui, il est toujours sur le contrat qu'on lui avait signé à l'époque. Il est libre à la fin de la saison. Il est libre à la fin de la saison et c'est un contrat à 10 millions de dollars. Donc, C'est rien. C'est cadeau. Qu'est-ce que c'est 10 millions de dollars de nos jours? Bon, d'un point de vue contractuel. Ouais, d'un point de vue contractuel, effectivement, les Knicks ne misent pas sur l'avenir long vis-à-vis de ces joueurs. Donc, on apporte réellement de l'efficacité au scoring, en sortie de banc. On l'a vu sur le premier match, on va venir dessus sur les matchs, hein, en débrief cette trade deadline. Mais voilà, ils n'hypothèquent pas leur avenir, pas de first pick de données. La situation ça, c'est monstrueux, hein. Permet ensuite d'envisager des re-signatures, Giannobi, JB, Julius, pourquoi pas. Donc on est dans une continuité, on est dans une optique d'apporter des vétérans, des joueurs tout de suite prêts à l'emploi pour gagner. La question qui peut se poser maintenant, c'est est-ce que les Knicks sont réellement dans une position de contenders? Certains ont voulu positionner dans les différents médias les Knicks comme étant capable de viser des finales NBA. Quel est ton ressenti à l'aube de ce trade, au lendemain de ce trade? C'est une belle trade deadline, oui, les Knicks en ressortent renforcés. Est-ce que pour autant, ils ont une fois au complet, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de blessés, est-ce qu'au complet, une équipe qu'on n'a pas encore vu jouer au complet, est-ce qu'elle est capable d'aller chercher des choses assez loin en post-season? Est-ce qu'on parle de quoi? On parle de finale de conférence? Est-ce qu'on parle de finale NBA? Est-ce qu'on parle de titre NBA? Voilà, tout de suite, qu'est-ce que t'en penses? Contender or not contender, les Knicks? Assez spécial. Moi, je vais te dire. Alors, moi, je rebois un coup en attendant de vous livrer ma réponse. Moi, je trouve que voilà, on s'est pas mal emballé. Il faut déjà que l'équipe joue. Pour moi aussi, je suis un petit peu frustré par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on, comme je disais sur Twitter, je suis un peu comme un enfant de Noël à qui on offre un super cadeau. Tiens, regarde, wow, c'est génial le truc. Et en fait, il faut des piles, on les a pas, quoi. Et donc t'es là, donc avec ton jouet, tu l'as déballé, mais tu peux pas l'utiliser. Mais y a pas de piles. Et ben là, c'est pareil en fait. T'as fait une super deadline, mais le problème, c'est que ben, ton équipe, elle a tellement de blessés que tu te retrouves avec des Miles McBride, des Josh Hart, des Precious Achiuwa en titulaire Alors, j'ai rien contre eux, hein. Ce sont des super soldats, ce sont des super joueurs. Mais le truc, c'est que ben, tes gros joueurs, ceux qui doivent justement ben, faire briller la franchise et nous faire gagner, ben, ils ne sont pas là. Et donc, en fait, tu es là. Il va falloir réacclimater tout le monde. Il va falloir que quand Julius revienne, qu'il retrouve du rythme. Il va falloir qu'il apprenne à jouer avec ben, tous les arrivants. OG, il a joué un peu, il s'est tout de suite pété, passé sur le billard. Il va sûrement revenir quasiment au même moment que Julius Randle. Donc, tu vois, si tu fais un point sur les blessures, donc on a Jericho Sims, bon, out, mais c'est quand même un mec de rotation. Isaiah Hartenstein qui est en day-to-day, c'est quand même embêtant. OG Anunoby, out. Il reviendra dans 3 semaines, un mois. Mitchell Robinson, out. On ne sait pas s'il pourra faire les playoffs. Semble-t-il, il serait sur le retour, Mitchell Robinson. Donc, mais bon, il est toujours out. Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes, mais pas de calendrier ferme sur son retour, quoi. Et Julius Randle, out, pas avant 3 semaines. Donc, tu vois, et surtout, on a aussi un Dwayne Washington Jr. qui est out. Et ça, attention, c'est pas... Non, mais blague pas à part... Pas beaucoup de monde à en parler, mais... Ouais. C'est... Bah, c'est... à tort. Non, mais tout ça pour dire que, voilà, tu vois un peu cette équipe, tu peux faire quasiment presque une équipe NBA que t'as que des starters. Et donc, bah, forcément, là, tu tires sur les organismes. Il va falloir que tout le monde arrive à jouer ensemble et créer une alchimie ensemble dans un laps de temps très restreint. Pendant qu'en fait, Cleveland vient de récupérer ses blessés et va avoir maintenant un mois et demi, presque 2 mois de compétition pour justement relancer toute une alchimie entre eux. En sachant que c'est déjà un groupe qui a un an de vécu. Donc ça aussi, c'est pas rien à mettre dans la balance. On a des Boston Celtics qui marchent du feu de Dieu. Alors oui, quid des Milwaukee Bucks? Quid des Philadelphie qui a perdu Embiid? Est-ce qu'il reviendra ou reviendra pas? La tendance serait peut-être à non. Après, derrière, voilà, tu te retrouves avec un poil à gratter à l'Est qui va être Indiana. Parce que ça va être une équipe, en effet, qu'on peut battre. On l'a vu, mais qui a des puissances dans tous les sens. Et puis, tu as toujours Miami qui se révèle en play-off. Alors, est-ce qu'eux vont refaire le push? J'y crois pas, parce que c'était quand même assez exceptionnel. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu as des belles histoires qui n'arrivent pas à se répéter. Pour moi, ce sera quand même compliqué. Donc, quand même, dans tout ça, tu as des Knicks, en effet, sur le papier, avec un très joli roster, mais il va falloir faire une équipe de tout ça dans un temps très court, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de mecs qui ne se connaissent pas, ou qu'en tout cas n'ont pas beaucoup de temps de jeu ensemble. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit dans l'adversité? Comment on réagit à un blowout ensemble? Comment ça se passe quand ça rentre pas? Les bons mots, tu vois. Donc à voir. En effet, je préfère être dans ma situation que dans celle de Toronto. Évidemment qu'on a une équipe qui peut viser une finale de conférence. Je dis bien qu'il peut viser, parce que ça serait quand même dommage qu'avec un effectif pareil, on puisse pas viser une finale de conférence. Est-ce que ça fait de nous des candidats au titre? Non. Est-ce que ça fait de nous des candidats sûrs à la finale de conférence? Non. Ça nous fait de nous des candidats pour, en effet, passer le second tour. On est allé l'année dernière en demi-finale de conférence. On peut aller en finale, voilà. Mais je nous place pas parmi les tout favoris de l'Est, en tout cas, et sûrement pas contender pour une finale NBA, quoi. Non. Très bien. Ça, c'était ton point de vue. Moi, je pense qu'on va être champion. Non. Ça, c'était pour le rigolo. Non, effectivement, tu l'as dit, il faut du vécu collectif. Et en ce moment, malheureusement, les blessures sont un grain de sable dans les chaussures des Knicks. Oui, on a eu des renforts, oui, mais il va falloir effectivement que la sauce prenne avec tout le monde, que chacun retrouve son rôle, sa place. Aujourd'hui, les joueurs sont un peu utilisés à contre-emploi, non pas qu'ils jouent pas à leur poste, comme on a pu avoir un Alec Burks qui était meneur titulaire des Knicks avant l'arrivée de Jalen Brunson. Donc voilà. Mais non, les Knicks aujourd'hui et leurs joueurs sont utilisés avec un temps de jeu qui va au-delà de leur utilisation ou des postes de titulaire qui sont donnés à du Achua, à du Hartenstein, alors que ce n'était pas leur rôle au départ, c'était pas les meilleurs joueurs des Knicks, donc c'est pas à eux en principe de trouver cette place. Il va falloir retrouver une alchimie, il va falloir retrouver du rythme, il va falloir retrouver une dynamique de la victoire, même si elle s'est maintenue avec les blessures. Par contre, voilà, ça peut prendre du temps. Pour moi, pour être contender, il faut que les résultats s'enchaînent de saison après saison. On ne devient pas contender juste sur une trade deadline. Ça Non. s'est vu, ne serait-ce que la saison dernière. Regardez les Phoenix Suns, ils ont récupéré un Kevin Durant, ils n'étaient pas plus contender. Enfin, peut-être que oui, sur le papier, mais dans les faits, arriver en playoff, ça a été plus compliqué. Donc, voilà, autant on peut ajouter des joueurs, on peut construire intelligemment l'effectif, et je pense que c'est ce qu'a fait Léon Rose sur cette saison, sur cette intersaison, sur cette trade deadline, pardon. Mais pour autant, est-ce qu'on est aujourd'hui à classer dans les contenders? Boston semble encore un cran au-dessus. Ça va être intéressant à voir. L'opposition peut être ardue face à ces équipes. On aura l'occasion très bientôt, dans un voyage, d'aller les voir directement au Madison Square Garden, mais il va manquer encore du monde. Donc, est-ce que ça sera l'opposition rêvée? Est-ce que ça sera vraiment des répétitions en vue des playoffs à voir? Milwaukee Bucks, on l'a dit, c'est compliqué. Ils ont récupéré Pat Beverley, c'est dire s'ils sont désespérés vis-à-vis de leur défense. Un changement de coach encore en pleine saison, à voir ce que ça donne. Et t'as vu Miami là, Terry Rozier aussi là, Qui il s'est fait le s'est genou. blessé aussi? Il peut y avoir encore des pépins physiques côté New York. Ça, là-dessus, il va falloir arriver à ménager les joueurs, mais c'est compliqué aujourd'hui. Beaucoup voient les Knicks et notamment leur coach Tom Thibodeau avec plein de clichés où il surutilise ses joueurs. Et le problème, c'est qu'en ce moment, l'infirmerie, elle est archi pleine. Donc, c'est difficile de répartir les temps de jeu et en continuer de gagner des matchs. Donc, va falloir arriver en bon état de forme. Oui, on va récupérer des blessés. On ne sait pas trop encore pour Julius quelle est la gravité de la blessure, le temps. Pour revenir, il y a peut-être eu un peu de poker menteur à l'approche de la trade deadline pour pas tout dévoiler. Et puis après, il va falloir remettre la machine en marche et retrouver des sensations. On sait qu'il y a des joueurs, hein, c'est pas des machines, ça prend du temps. Donc contender, compliqué. Moi, je pense pas que les Knicks aujourd'hui visent la finale NBA. Ça peut très bien se passer, ça peut être une très belle histoire et on demande que ça, surtout après tant d'années de disette. Mais non, soyons compétitifs en playoff, passons un premier tour. Passons à second tour. L'adversité va se renforcer au fur et à mesure. Est-ce qu'on aura sur la route les Cavs? Est-ce qu'on aura sur la route les Sixers? Est-ce qu'on aura sur la route les Bucks, les Pacers, qui sais-je? La conférence S est dense. Aujourd'hui, il n'y a que Boston qui semble être serein de ses forces et sûr de là où ils veulent aller. Aujourd'hui, s'il faut qualifier une équipe de contender à l'Est, c'est surtout les prétendants au titre. C'est Et surtout Boston, les Boston, quoi. malgré leur roster, ont fait qu'une seule finale de NBA. Hein. Voilà, donc c'est Avec compliqué. des C'est Tatum, des compliqué avec des Brown, joueurs peut-être avec à plus l'époque les talentueux Marcus que les Smart, alors Knicks. Ford, tu vois, et puis ils y sont allés qu'une seule fois. Hein. Donc Donc c'est ça compliqué, se fait c'est pas comme compliqué. ça. Hein. Une finale NBA, ça se fait pas comme ça. Il y a aussi beaucoup de paramètres, comme tu dis. Il y a le vécu, il y a le tirage, il y a l'équipe en face, il y a la gestion des momentum. Enfin, il y a de tout. C'est pas parce que tu dis, ah bah tiens, il y a un tel, un tel, un tel, un tel sur le papier. Tu vas être champion. Hein. Je rappelle que le Real Madrid dans le football de Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham ont une Ligue des Champions, ils en ont pas six. Donc, voilà, faut faire attention à ça. Évidemment, c'est toujours bien d'avoir des talents. Maintenant, il faut les articuler, ces talents. Il faut voir comment ça va jouer ensemble. Ouais. Mais ceci dit, je préfère avoir ce roster-là. Que celui des Lance Thomas, Alex Schwed Oh. et tout ce qui On est bien s'ensuit, hein, d'accord. hein, voilà. L'appétit vient en mangeant. bientôt on va manger, on va passer à table. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, cet effectif nous donne envie d'espérer. Est-ce qu'il y aura quelques ajouts? On l'a pas évoqué ou peu. Effectivement, 4 joueurs qui partent et 2 qui arrivent, ça laisse quelques spots. Est-ce que sur le marché des buyouts, il y a quelques vétérans qui pourraient venir apporter? Peut-être Je à pense aux Knicks. l'intérieur, On peut-être un fait spring. l'essentiel de leur marché là. Après, ça sera peut-être plus les joueurs de G League qui vont hériter de ces derniers contrats. Ouais, moi Mais je vois, tu à sais, des voir. mecs à la Norvel Pelé, tu vois, des mecs comme ça là qui déboulent, tu vois ce genre de Voilà. mecs quoi. Mais Bon, pas c'était de. notre très grosse review de cette trade deadline. On est confiant, on est content. Léon a fait un bon boulot. Bravo Léon. Lâchez-lui un pouce à Léon pour Et cette trade peut-être deadline. Executive of the Year, hein, parce que, alors en effet, On verra, on verra. on ressort toujours en disant, ouais, OG, vous le payez avec RJ, IQ, oui, ok, bon. Mais le profil de OG Anunoby, tu le trouves pas partout. Hein. Toutes les équipes n'ont pas un joueur au profil. Donc tu fais quand même OG Anunoby, Precious Achiuwa, Bojan Bogdanovic et Alec Burks. Alors ouais, tu lâches tout ta jeune garde, mais tu ne lâches aucun first pick pour ce genre de mec. Oui, Ce qui ça lui t'amène laisse encore des cartes en main pour l'avenir. en position de force pour l'été, et la machine à Photoshop va encore bien chauffer. Oh oui, et si vous êtes adepte de génération d'images avec l'intelligence artificielle, faites-vous plaisir également. Bon, en tout cas, on va pas l'oublier, il y avait quand même trois matchs cette semaine, enfin la semaine dernière, côté Knicks au Madison Square Garden. Bon, on est passé à côté au niveau de nos pronos, hein, bon, on espérait plus de victoires, hein, quelque chose de positif finalement. C'est un bilan négatif. Malheureusement, la semaine, elle a bien et mal débuté. Elle a bien et mal débuté parce qu'elle débute par une victoire au Garden face aux Memphis Grizzlies, donc une série de victoires qui se préparait. Mais mal Match qui a fait débuté peur, hein. parce que finalement ça se termine par une blessure de Jalen Brunson dans le quatrième quart-temps, à 5 minutes de la fin, où il se tord la cheville. Bon, alors c'est une blessure, est-ce qu'elle est évitable? Oui et non, parce que c'est pas la surutilisation qu'on peut avoir et qui peut des fois faire dire Et ah, puis t'as un t'avais petit peu de Memphis qui haut. revenait de ouf. On Et avait Memphis 30 avec leur points équipe. d'avance. Et Avec on leur avait équipe de 30 points pieds d'avance cassés et. de par les absences. En première mi-temps, ils n'existent pas trop, mais troisième quart-temps, ils reviennent et Et le quatrième, ils nous ils mettent, nous je ont sais fait plus. peur. Ils nous ont Ah ouais, fait peur. ils revenaient comme des avions. Nous, on jouait super mal. Et comme je dis, on avait 30 points d'avance. Et donc, on est passé à un moment donné sous les 10. Et là, tu fais waouh! Compliqué. Donc, Qu'est-ce qui se passe? Ouais. évidemment qu'il fallait comment, Jalen Brunson reste sur le terrain. Après, voilà, il s'est blessé. C'est évitable? Non, c'est pas évitable. Hein. Ça, malheureusement, on sait que les chevilles, c'est le problème des basketteurs. Hein. Quand tu retombes, des fois, ça machine. Là, en plus, c'est sur un appui. T'as souvent son pied qui part. Bon, heureusement, plus de peur que de mal. Mais c'est vrai que On là, l'a tu te vu, ouais. dis, bon, là, le problème, c'est que là, tu te dis, à ce Pas moment-là oublié, du quoi. Pas match, encore un autre, quoi. Ouais. en plus, juste avant, sur la séquence d'avant, t'as Josh Hart qui se tient le genou. Tu te dis, bon, en fait, le Madison Square Garden est bâti sur un cimetière indien, quoi. Il y a quelqu'un qui fait du vaudou, on ne sait pas. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Heureusement, comme je dis, plus de peur que de mal. Mais ouais, cette semaine nous a fait passer par tous les sentiments, quoi. On en a marre d'aller voir le docteur, on en a marre en ce moment, effectivement. Et au final, une victoire qui se dessine sur un score de 123 à 113, 10 petits points, alors qu'il y avait une très belle avance, 70-46, quelque chose comme ça, à la mi-temps. Donc Ouais, les on Knicks était se en sont cruise fait peur. control. Comme on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Non, non, il ne faut pas la vendre. Même s'il manque énormément de monde aux Memphis Grizzlies, ils ont joué le jeu, ils ont fait peur aux Knicks, et les Knicks se sont fait peur. Ils assurent le résultat. Derrière, il y avait un autre match qui était un peu plus compliqué dans la semaine, qui est la réception. Je suis en train de chercher les Des images, Dallas voilà. La Mavericks. réception des Dallas Mavericks. Ce coup-ci, Jalen Brunson était sur la touche. Il a été un peu ménagé aussi au regard de sa cheville douloureuse. Luka Doncic était présent. Il nous a fait des passes de Magic, hein, clairement. Des passes aveugles, en veux-tu, en voilà. Et là où on avait eu un Kyrie Irving qui avait plutôt fait le travail, qui avait fait des misères aux Knicks sur le premier match, là, c'est Luka qui a fait le travail. Toujours bien accompagné de Tim Hardaway Jr., qui connaît aussi bien les recoins du Madison Square Garden que Oui. ceux de la salle de Dallas. et une défaite malgré un Dante DiVincenzo qui a porté l'Enix comme il a pu en termes de scoring. Une très belle semaine pour la part de Dante DiVincenzo, donc comme quoi un gars de Nova peut en cacher un autre. Mais bon, c'était un peu court vêtu tout de même pour affronter ces Mavericks qui, eux, ont besoin de victoire aussi, assurer leur place en playoff. Et le talent de Luka et de Kyrie. Kyrie, moins en vue, mais quand il a besoin d'aller mettre quelques paniers, il a toujours trouvé la solution pour glisser jusqu'au compliqué jusqu'au d'arrêter un joueur comme Kyrie Irving, comme je disais sur la dernière confrontation où ils en avaient collé une belle. Kyrie Irving, on peut penser ce qu'on veut de l'homme, le basketteur est formidable. Hein. Le basketteur est formidable et il te donne cette sensation de pouvoir marquer quand il veut et sur qui il veut et dans n'importe quelle situation il veut. Donc c'est compliqué, ce genre de joueur, il est incroyable. Après voilà, ouais, comme tu dis, on était trop court vêtu. Dante DiVincenzo qui fait le taf, a souligné aussi le triple double de Josh Hart, avec quand même 23 points, 12 rebonds, 10 rebonds et 12 passes. Et un joli Miles McBride avec 21 points aussi, sur 5 passes et 6 rebonds. Mais, titulaire voilà, sur ce match en l'absence de Brunson, et puis match, un match... Mais le problème, c'est que blessés, tu vois, c'est un match en plus à la sortie de la deadline. Donc il manquait encore plus de monde sur le banc. Quoi. Tu fais une rotation à 7 avec des minutes de Charlie Brown Jr. et 22 minutes de Taj Gibson. 12 minutes jeune Taupin. Mais Art se blesse sur cette rencontre en plus. Donc compliqué. Trop compliqué aussi. Einstein, un match Einstein, à oublier. Art Einstein. J'ai dit qui? Art. Art, oui, un Art. Ouais. Et là, Art, tu te dis, non, mais là, Art, c'est. Attends. Et là, sur ce match, ouais, t'as la blessure d'Art Einstein. Et là, tu fais, non, mais bordel, ça suffit. Est-ce que ça suffit maintenant? Non, mais tu vois, c'est. Surtout que la deadline est passée, là. On a lâché des joueurs, on en a moins. Comment on fait maintenant? On fait jouer l'équipe de G-League? Et surtout, à souligner aussi ce joli petit coup de com, juste après la deadline, que quand tu sais. T'as le proviseur qui tape à la cloche en disant ding ding ding, c'est fini, on rentre maintenant. Et en fait, là, le commissionnaire annonce que c'est terminé, et là, Ojalinobi, en fait, c'est une opération. Oui, c'est ça, il a des petits problèmes dans son coude. Voilà, pour ça, quoi. Donc, c'est une opération. Donc là, en fait, t'avais les mecs de Détroit qui font oh putain, on aurait pu arracher un first. Tu vois, donc, on aurait pu gratter plus. Ouais. Mais, trop d'absents. Et puis, chaque match amène sa peine. Chaque match amène un nouveau blessé. Ça en devient fatigant, en fait. Ça devient extrêmement fatigant, cette histoire. Et le troisième match de la semaine, c'était la réception des Pacers qui devaient se venger après une défaite il y a quelques temps de ça, il y a une semaine ou deux, au Madison Square Garden. Heureusement, on en pouvait compter sur le retour de Jalen Brunson. Tant mieux, je serais tenté de dire. Mais au niveau pivot, eh ben non, on a titularisé Taj Gibson. Donc la paire d'intérieur, Taj Gibson, Precious Achiuwa, c'était clairement pas la meilleure qu'on pouvait opposer à un Siakam et Miles Turner. Même si Achiuwa fait son match. Et ça s'est ressenti assez vite quand même. Oui, Achiuwa fait son match, mais derrière, peu de rotation et pas non plus l'opposition qu'on pourrait avoir face à cette équipe, qui est une belle équipe de la conférence Est. On s'est fait décortiquer hein, avec cette magnifique action qui a fait le tour du monde de Tyrese Haliburton avec passe sur la planche, pour réceptionner, pour passe à 3 avec le 3 points. Magnifique cette action. Oui, voilà, bon là, on se retrouvait face à des Pacers sûrs de leur force et en pleine possession de leurs moyens. Et si le match est encore accroché en première mi-temps, la seconde mi-temps, voilà, les Knicks se sont distancés, n'arrivent plus à revenir à recoller. Il y a ce panier au buzzer de Haliburton à 3 points, juste au moment de la mi-temps, qui rajoute encore un petit peu de douleur. Et puis ça, pédaler dans la small, compliqué de création en attaque. Par contre, tu vois, et là, Alec Burks nous a montré pourquoi on est allé le chercher. Parce qu'effectivement, on avait le retour de Jalen Brunson, mais c'était aussi les grands débuts de Bogdanovic. Pas titulaire, non, je ne dis pas de bêtises, pas titulaire. Pas foufou, le Bogda. Pas foufou. À 3 sur 10, ce n'est pas les meilleurs débuts qu'on peut faire. Par contre, Burks, qui était au contraire, on va dire, un petit peu dans le dur au début, il a vite retrouvé ses habitudes. Il nous score une vingtaine de points. Il nous fait une petite série de 3 paniers à 3 points consécutifs en fin de match. Voilà, Alec Burks on sait ce qu'il peut apporter. Du scoring, du scoring et du scoring. Burks, c'est le genre de mec qui qui ne trouve aucun shoot mauvais. Tous les tirs sont bons à prendre. Donc, mais quelque part, c'est ce qu'on va lui demander à la sortie de banc. C'est cette faculté de pouvoir se sortir de situations qui sont des fois un petit peu compliquées. Ou alors il reste 3 secondes, faut filer la balle à un mec. Ben Alec Burke en fait est ce type là, parce qu'il peut marquer des trucs de fou. Donc là il nous a montré assez... Alors voilà, ce match c'est 22 minutes, 22 points, c'est fabuleux. Mais il fera peut-être pas forcément ça à tous les matchs. Faites-le jouer 30 minutes. mais cependant il nous a montré à ce match que déjà, coucou le Garden, je suis de retour. J'ai récupéré mon casier, j'ai récupéré ma place sur le banc et compagnie. Voilà, je retrouve le coach, je connais la maison. Et surtout, c'est, ben voilà, on est allé chercher, c'était ce type de profil-là. C'est-à-dire ben, deux mecs qui dans la capacité à pouvoir se créer lui-même son propre tir, qui est dangereux dès qu'il touche la balle. Donc, ce qu'on avait perdu avec Quickley en termes de menace offensive, même si c'est dans un registre différent, avec Burks, on est capable de trouver quelqu'un qui peut prendre feu assez rapidement, voilà. Qui peut avoir une crise d'adresse et apporter des points. Par alors, contre, malheureusement, Bogda, quand il dans va ce mettre... match, ça ne se termine pas de façon victorieuse. Mais en tout cas, on a vu que Burks était encore en capacité d'apporter ce qu'on attendait. J'ai bien aimé quand même, de ce que j'ai vu de Bogda, même si bon, voilà, y a eu un déficit d'adresse. On va mettre ça aussi parce que ben il y a le trade, il faut l'arriver dans une nouvelle équipe, tu viens de nouveau coéquipier, tu viens de te faire le voyage Détroit à New York, hein, on parle pas, tu viens pas de faire Paris-Évry, hein, là c'est tu t'es ouais, tapé quand si même pas mal de kilomètres, ça reste un contest, petit déplacement. Mais bon, ben, il y a quand même eu de l'avion, mais il a eu des opportunités de tir ouvert. Alors certes il les a pas mis, mais il les a eu. Ça finira par rentrer, comme je dis, hein. On est quand même sur un type qui shoot à 40% en carrière. Donc c'est quand même beau. Et en plus de balle en main, j'ai vu qu'il avait aussi à un moment donné, voilà, il a des petites phases de création où il arrive un peu à tirer défense sur lui quand il attaque le panier, il arrive à lâcher le ballon. Il a eu notamment à un moment donné une belle séquence avec Achiuwa. Donc il y a eu des. On s'est dit, merde, voilà, un peu compliqué ses débuts. Mais il y a eu quand même beaucoup d'éléments qui se disent « Ah, ça peut être sympa pour le futur ». Moi, là où je suis un peu plus inquiet, c'est vis-à-vis de la défense. On l'a vu notamment se faire tester par Obi Toppin. Bon, voilà. Obi Toppin, au passage, qui a loupé son petit rider. Hein, il a voulu être un peu trop gourmand et faire le spectacle au Garden. Ben voilà, il s'en est mangé les doigts. Qui tu te prends, Obi? Non, mais dis donc, tu vas te calmer, oui. mais voilà, c'est les Pacers qui repartent avec la victoire. C'est les Knicks qui accusent une défaite de plus dans la semaine. Eh, embêtant, un bilan de une en victoire, plus. Deux défaites. C'est dommage. Celle-là était embêtante, oui. Parce que tu avais... Orlando qui avait perdu, qui avait gagné, tu avais Cleveland qui avait gagné, tu avais Milwaukee qui avait gagné, donc très très embêtante cette défaite. C'est dommage, JB fait un gros match en termes de scoring, après en termes d'efficacité, il ne faut peut-être pas trop regarder les pourcentages. Ceci dit, c'était un match de reprise, de retour pour lui, il y a encore un gros volume d'utilisation et de minutes de jeu. Donc bon, une défaite, on aurait préféré voir cette victoire, bien sûr, mais voilà, trop court vêtu à l'intérieur. Siakam, Turner qui ont fait le jeu. TJ McConnell, l'inusable. J'ai l'impression que lui, à chaque fois qu'on le joue, peu importe l'équipe dans laquelle il est, il va nous faire la misère. Il est insupportable. Il est insupportable. Bon petit joueur, mais qui est capable de prendre feu contre l'Enix. Je sais pas ce qu'il a contre l'Enix, mais il ne nous aime pas. Et puis, et le Miles Turner qui était à deux doigts, hein, faut le dire. Miles Turner qui était à deux doigts de rendre une fiche de stats immaculée, quoi. C'est-à-dire, il a raté un lancer franc, sinon c'est du 100% partout, quoi. Gros joueur, le Miles. Bon, une défaite pour finir la semaine, 111 à 115, 125, pardon. Voilà, bon, on espère que les Knicks vont se reprendre cette semaine et passer en review. Il ne nous reste plus qu'à vous décerner le petit élément de rétrospective de la semaine, à savoir le KNFTV Nick of the Week. C'était pas un choix forcément évident, parce qu'il y avait beaucoup de blessés, parce que c'est plutôt une semaine de défaite, donc c'est difficile de sortir un joueur d'une semaine de défaite. La semaine dernière, je vous rappelle qu'on avait nommé Jalen Brunson pour, entre autres, sa nomination All-Star, sa première sélection. Là, cette semaine, il manquait un match. Bon, voilà. Et il était accompagné de son acolyte Robin, a.k.a. Dante DiVincenzo. Et donc cette semaine, sans plus tarder, on vous révèle le player de la semaine, le Nick of the Week de KNFTV. Et c'est encore une fois Dante DiVincenzo. Okay. Et ben oui, cette fois-ci, pas de Batman en sa compagnie, c'est Robin seul qui va hériter de ce titre. Bah oui, c'est peut-être un choix un peu par défaut, même si il a fait deux bons matchs, deux gros matchs en termes de scoring. Un peu moins, il passe au travers de son match face aux Pacers. Peut-être aussi un peu de surutilisation, de fatigue, que sais-je. L'adresse n'était pas au rendez-vous ce soir-là. Mais en tout cas, une belle soirée, une belle semaine autrement sur les deux premiers matchs avec des pointes à plus de 30 points. C'est pas un joueur qui nous avait habitués à ce niveau-là. Il est utilisé au maximum de ce qu'on peut utiliser. En termes d'adresse, il est trouvé à la perfection. Et c'est en toute logique que c'est notre meilleur joueur d'Enix cette semaine. Bien sûr, JB fait un bon retour, mais dans la défaite. Donc bon. Allez, ça compte un peu moins cette semaine. C'est pour lui, solo, Divi, Dante, Divo, comme vous voulez. Il doit faire j'ai pas regardé, mais je pense qu'il fait sa meilleure saison en carrière. Oh, il doit n'en pas être très très loin. Il est starter, il n'a pas été starter beaucoup en carrière. Là, il profite du départ de Grimes, c'est sûr. Mais je pense qu'il va être starter toute la fin de saison. Il lui avait pris à la régulière, le poste. Oui, il lui a pris à la régulière. Donc, j'espère que ça sera sans contradiction que vous accepterez notre nomination cette semaine. On en avait parlé la semaine dernière déjà de lui, parce qu'on avait mis donc le player of the heart, et puis il avait été le player de la semaine déjà, et c'est toute logique qui fait le doublé parce que ben voilà, c'est celui qui a le plus de talent. En absence, avec toutes ses absences, hein, c'est Dante DiVincenzo. Il a su répondre vrai présent. Alors oui, sur le dernier match, compliqué. Mais justement, comme on vient de dire, c'est quand même quelqu'un qui n'a peut-être pas eu dans sa carrière l'habitude, là actuellement, de jouer 40 minutes par match et de répéter ses efforts de 40 minutes par match. Et je répète, c'est pas parce que c'est Thibodeau, c'est parce qu'on a beaucoup de blessés. Ah oui. Donc, jusqu'à présent, il ne jouait pas 40 minutes par match. Donc, pas évident pour lui, peut-être aussi, là, il accuse un peu le coup. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé une équipe un peu fatiguée. Les Josh Hart, les joueurs qui sont dans l'énergie. Là, ça commence à devenir trop compliqué parce qu'ils jouent trop de minutes par rapport, en fait, à ce qu'ils peuvent proposer. Et là, on a des joueurs qui tirent la langue. Donc Dante fait ce qu'il attend de lui. Dante est en train de devenir le chouchou du Garden. Dante, tout le monde l'aime, quoi. C'est tout, c'est comme ça. C'est Dante. Voilà. C'est Dante. Donc du coup, on lui rend cet amour. Hein. Cœur sur toi, Dante. Et oui, les joueurs sont peut-être fatigués. Il va falloir qu'ils se reposent. Ils n'ont pas fait beaucoup de road trip. Ils vont peut-être repartir un peu en voyage. Mais il y a l'All-Star Break qui arrive. Donc on regarde tout de suite ce qui s'annonce à la semaine d'Enix. Pour cette petite semaine. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite le programme de la semaine. Bon, une bonne grosse émission parce qu'on avait une grosse semaine la semaine dernière, mais cette semaine va être un petit peu plus calme, un peu plus calme. Il n'y a que deux matchs d'Enix. Et oui, pourquoi deux matchs? Parce que c'est le All-Star Break à partir de vendredi, c'est ça. Deux matchs, et cette fois-ci, au revoir le Garden. Oui, oui, les Knicks ont fait le plein de victoires, quelques défaites la semaine dernière, on l'a dit, dans leur antre, dans leur jardin, au cœur de Manhattan. Là, ce coup-ci, il va falloir prendre un petit peu d'avion, un peu la route, et oui, direction le Texas. Et c'est pas plus tard que ce soir, dans la nuit de lundi à mardi, qu'on va retrouver les Knickerbockers chez les Houston Rockets. Alors bon, une affiche qui sent bon les finales de 94, Knicks contender ou pas, je sais pas. En tout cas, les Rockets contender, pas trop, hein, pas trop. Voilà, premier match, l'équipe jeune, il va falloir se méfier. On va revenir un petit peu sur les forces en présence côté Rockets, et puis la dynamique de l'équipe. Et puis derrière, retour un peu côté conférence Est, on va aller prendre un peu le soleil dans la Floride. Direction le nord de la Floride et le pays de Mickey pour les Orlando Magic. C'est quoi? C'est l'Amway? Je sais plus quel est le nom de la salle. En tout cas, une salle qui va pouvoir accueillir encore une fois pas mal de Knicks fans. On les avait vus plutôt scander les noms le des Knicks et supporter les Orange et Blue. Non, c'est les noms de salles changent tellement souvent. C'est difficile à suivre. J'avais l'Amway Arena ou un truc comme ça. Ouais, c'est possible. Limite, peu importe, ça sera le Madison Square Garden South, version floridienne, qui devra accueillir les Knicks dans la nuit de mercredi à jeudi pour finir la semaine. Donc, deux petits matchs. Bon, je ne vais pas te dire quelle est l'affiche la plus attendue de ces deux matchs. Hein. Peut-être éventuellement le Magic, puisqu'on est sur un concurrent de la conférence Est, en vue de la bataille pour les playoffs. Mais tu peux nous donner peut-être un peu la dynamique de ces deux équipes, Seb? Alors déjà, Houston, eux aussi Oui, Houston en premier. connaissent une grosse série de blessures. C'est-à-dire qu'actuellement, tu as un Alperen Şengün qui est en day-to-day, un Tari Eason qui est out, un Cam Whitmore qui est out, un Fred VanVleet qui est out, et le nouvel arrivant, Steven Adams, qui est out. Donc, c'est vrai que ça leur fait quand même de beaux joueurs en moins, quoi. On se Actuellement, on a... réjouit pas de leurs blessures, mais dans une équipe des Knicks qui est un peu en difficulté par rapport aux joueurs alignés, puis entre autres des intérieurs, tant mieux. Fred Tu vas VanVleet, qui voir. est un peu le modèle comparable à JB, qu'il soit pas là, ça nous va aussi, quoi. Donc, Tu vas ouais. voir, ça fait un peu deux salles, deux ambiances, hein, les deux équipes qu'on va affronter. Donc là, on a une équipe quand même de Houston qui, sur les cinq derniers matchs, est à 1-5. Ils ont gagné contre nos amis de Toronto, mais ils ont perdu contre Minnesota, contre Indiana, re-contre Toronto et contre Atlanta. Donc, Ça cale voilà, un petit avec. peu après un bon début de saison de la part des Rockets. Ça rentre Ça peut-être un cale petit peu dans le complètement. rang. Ouais, complètement. Donc là, on a quand même une équipe qui est un peu compliquée. Alors oui, attention évidemment, hein, parce qu'ils ont un Jalen Green qui est actuellement sur une très bonne saison. Hein. Il est sur une quinzaine de points, 18 points de moyenne hein, cette saison. Donc, à 31% à 3 points. Donc c'est lui vraiment leur go-to guy actuellement, mais ça manque peut-être un peu de talent. Du côté de nos amis de Houston. Et contrairement à Orlando, qui eux n'ont pas de blessés. Donc tu vois déjà, voilà. Et eux, par contre, eh ben, sur les cinq derniers matchs, eh ben, ils sont sur une jolie série. Ils sont sur un 4-1, pardon. Un Hey, 4-1. un bilan un peu inverse. Ouais. Et même on pourrait dire un 5-1 sur les 6, parce que ben, là, ils ont qu'une seule défaite contre leurs amis floridiens, le Miami Heat. Sinon, bah, ils avaient gagné sur les derniers matchs. Donc, bah, San Antonio, Minnesota, Détroit, San Antonio à nouveau et Chicago. Alors oui, on peut dire le calendrier est plutôt Calendrier peut-être plus favorable. facile, profitable. Ouais. Mais ils arrivent quand même tout de même à battre les Minnesota Timberwolves de 2 points. Voilà, donc Banchero est toujours là. Wagner, le frère Wagner, est toujours là. Isaac est revenu et montre pourquoi il fait partie des top défenseurs de la ligue. Une équipe à prendre plus qu'au sérieux, et c'est pour ça aussi qu'ils sont playoffables direct, nos amis du Tout à Magic. fait. Et on se souviendra que le Magic avait battu les Knicks la dernière fois lors du MLK Day. Et il me semble que j'ai un doute de savoir si on avait gagné chez eux. Donc voilà, il serait peut-être bon On avait ga oh, oh, non, on de avait gagner. perdu. On avait perdu Ça fait deux 117 ans. défaites. Ouais. 117-108, et le dernier match, on le perd 98-94. Donc toujours quand même des matchs accrochés, mais on avait une équipe au Un peu taquet. plus complète. Là, et voilà. Bon. On verra si d'ici la fin de la semaine il y a des retours. Donc voilà, donc plutôt une attente sur le match face au Magic. Allez, bah c'est l'heure du bilan, hein. Qu'est-ce qu'on pronostique sur ce bilan de cette semaine? 2-0, 1-0, 1-1. Moi je me lance, je me lance. Allez, moi j'ai envie d'avoir un 2-0. J'ai envie d'un 2-0 pour cette semaine. Oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, monsieur? Si on est contender, on doit gagner ces matchs. Ah oui, je dis oui, je dis Hein? oui. Ah oui, d'accord. Dis oui. Ah oui, d'accord. C'est pas 4 à la suite, c'est 2-0. Avant le All-Star Break, on soufflera après. Oui, c'est des matchs à l'extérieur. 5-0. Il y a un petit peu de renfort avec Bogdanovic et Burks. Ah Voilà, ouais. ça peut être l'occasion de... Bon, on est Le d'accord, face Bob aux da game, Rockets, quoi. il faut le prendre. Hein. Face aux Rockets, il faut le prendre. Et puis, face au Magic, là, ça sera le vrai test. Est-ce qu'on aura une équipe encore plus en complet à voir? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de retours. Einstein Peut-être Hartenstein. Et noté questionnable, ça veut dire qu'il revient. Il s'était pas Il y fait a une très peut-être. très grosse blessure, donc. Oui, et puis il y a peut-être aussi un peu de management vis-à-vis des Rockets. Il n'y a peut-être pas besoin de forcer trop face aux Rockets. Après, Taj Gibson, il va pas pouvoir nous faire beaucoup de matchs comme titulaire. On voit qu'il a le capot qui fume. Mais en tout cas, voilà, face à Orlando, il faut retrouver un petit peu plus C'est que de déjà si t'as rotation. Hunchen qui revient, ça fait du bien, hein. Ouais. Oui, déjà, ne serait-ce que sur la protection de cercle et pour la rotation intérieure. Donc voilà, moi j'ai envie de partir sur un 2-0. Oui, le gros match à prendre, D'accord. c'est celui du Magic. Ah Mais ouais. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah Et puis, ouais, non mais. après avoir perdu deux fois contre le Magic, il va peut-être y avoir un peu un sentiment de bon, c'est bon, hein, fini les rigolades, Là il faut qu'on tu gagne. perds à nouveau le tie-breaker, c'est fini, hein. Ouais, je suis pas sûr qu'on les rencontre en plus une quatrième fois, Si, donc si, si, on les voilà. rencontre quatre fois. Si, on les rencontre quatre fois. On les rejoue par la suite le 9 mars. D'accord. Mais il va être temps de gagner face au Magic. Ça finit, ça suffit. Voilà, il y a beau avoir un All-Star Break derrière, on donne tout et on gagne en Floride avec le soutien du public. Et Voilà. C'est un le 2-0 pour moi Magic, cette semaine. le Magic, ils ont une semaine sympa. Bon, après, juste, j'ai pas dit, mais eux, juste avant nous, ils jouent au Oklahoma City, en back-to-back. Mais Sur après, derrière, fatigué. ils ont une semaine à base de Détroit, Brooklyn, Utah, Détroit, Charlotte, Washington. Le Magic, là, ils vont faire une poussée. Écoute, t'as dit 2-0. Quelque T'es part. joueur ou pas? La logique voudrait. Enfin, la logique. Ouais, ma logique voudrait que je dise 0-2. Mais je vais me. Ouais, mais je vais me montrer confiant. Et je vais dire 1-1. Je vais dire D'accord. 1-1. On prend Houston parce que c'est vrai que Houston a beaucoup de blessés et de joueurs majeurs. Même si je pense que le Jalen Green, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Jalen Green m'avait un peu gonflé à son interview de fraîchement Draft. drafté où il Ouais. avait commencé à dire oui, d'abord on va faire ça, ensuite je vais aller chercher le contrat max. Enfin, le mec, au lieu de dire ouais, on va chercher des résultats avec l'équipe et tout, le mec, la première chose qu'il avait parlé, c'était d'aller chercher le pognon, quoi. Ça m'avait fait marrer. Je me suis dit, bon, ok, toi, on voit ta carrière où elle est ciblée. Mais bref, donc ça c'est une aparté, hein. Mais je pense qu'on a quand même l'effort, surtout qu'on va sûrement avoir le retour d'Hartenstein pour battre cette équipe de Houston. Et qui aussi mal en point actuellement, qui connaît une grosse série de défaites. Cependant, on a trop de blessés pour battre le Orlando Magic. On a trop de blessés pour arriver à contenir cette paire de Banchero Wagner avec Col-Anthony, avec des Jalen Suggs, avec toute cette ribambelle de joueurs là. Si tu veux que je te sorte le roster, c'est, tu vois, Non. t'as du Markelle Fultz, t'as du Joe Ingles, oui, ils l'ont toujours. Après, t'as les frères Wagner, Frantz et Maurice. T'as leur meilleur défenseur intérieur qui fait peur, hein, Jonathan On a Isaac, Alec Burks, on a Alec Burks. qui a contré notre Wemby national d'ailleurs. Moi, j'ai peur que cette marche est trop haute avec notre Pour effectif l'instant, ouais. actuel. Ouais. Même si on a, voilà, Bucks, Bogdanovic qui vient d'arriver, mais il nous manque trop de super joueurs. On n'a pas OG Anunoby, on n'a pas Julius Randle, on a Mitchell Robinson. Bon, hein, ça fait un moment, mais il nous manque trop de super joueurs actuellement pour arriver à rivaliser avec cette équipe-là du Magic, pour ma part. Hein. J'ai pas envie Donc, de te croire, j'ai pas envie d'entendre écoute, ce que tu moi j'ai envie de te croire. Moi, je ne demande qu'à te croire. Hein. Voilà, je veux que ça se passe comme tu dis. Maintenant, on joue au pronostic. Et pour moi, les pronostics vont être 1-1. Très bien, c'est noté. Et épisode un peu exceptionnel, pronostic exceptionnel. Un début de semaine avec deux matchs, mais aussi deux concours. Et oui, deux concours sur lesquels on verra nos bookers en liste pour le week-end. Le All-Star Weekend, c'est cette semaine. Jacob Toppin, puis, enfin, avant plutôt, Jalen Brunson qui va faire partie des nombreux candidats au concours à 3 points. Alors, vous avez vu la liste des compétiteurs. Il y a un paquet de monde. On parle de Damian Lillard, on parle de Trae Young, on parle d'Haliburton, des joueurs qui sont du calibre. All-Star, c'est aussi pour ça que GB a été sélectionné pour participer à ce concours et que c'est pas plutôt un Dante DiVincenzo qu'on retrouve dans la liste des Knickerbockers. On a Abdon aurait Donovan gagné. Mitchell, Karl-Anthony Towns. Est-ce que Jalen Brunson il peut sortir vainqueur du concours à 3 points? Il a jamais fait ce concours. Non. Ça serait une grosse cote. Toi, tu penses qu'il peut gagner le concours à 3 points? Non. Non, bon, d'accord. Je pense Il est que pas trop mis dessus. ça peut se jouer entre un 4 et un Donovan Mitchell. J'annonce, là, je pense, à cette finale. Et Haliburton avec son shoot un peu particulier qui sera chez lui. Mais lui, c'est fou, hein. Il a un shoot chelou, mais ça fait mouche à chaque fois, quoi. C'est incroyable. Sa mécanique, elle est dégueulasse, mais alors. Attention à pas sous-estimer Trae Young non plus, qui a pas été très bien entre traité à l'approche de ce All-Star Game. Je te demande les deux derniers, les finalistes. Les finalistes, un Damian Lillard et un Trae Young. Et victoire de Trae Young. Ça me fait du mal. Victoire de Trae Young. Mais je verrais un Trae Young en mode revanchard, je sais pas. Steph Curry bis. Ouais. Après c'est typiquement le genre de concours pour lui, hein. Bah voilà, après Karl-Anthony Towns l'avait déjà remporté aussi, là on a Lauri Markkanen qui pourrait faire sa surprise, Malik Beasley qui est peut-être le nom le moins bankable de ses participants, mais voilà, moi je dis une finale Damian Lillard, Trae Young, avec Trae Young qui gagne, c'est ma grosse cote pour le concours à 3 points. Dites-nous en commentaire, mais malheureusement non, je crois pas à JB, je sens pas que ça soit un joueur de concours de shoot à 3 points, faut répéter l'effort. S'ils avaient envoyé Dante, tu vois, s'ils avaient envoyé Dante, pourquoi pas. Ouais, Quentin Grimes, mais bon, il n'est plus. Et pour le concours de dunk, alors. Ne dis pas ça. Pour le concours de dunk, on a Jakob Toppin qui va venir défier Jaylen Brown, un autre JB, le tenant du titre, Mac McClung, qui joue aujourd'hui. Et lui aussi, c'est pareil, ils avaient envie de se faire un dégât. Au Magic, c'est ça ? Au Magic, oui. Et puis, Jaime Jaquez Jr., celui qui a un petit peu cassé la cheville. Casser le bras de Julius. Qui peut être le vainqueur de ce concours de dunk? Le tenant du titre? Est-ce que Jaylen Brown, qui est la star de ce concours, qui ne l'avait pas fait jusqu'à présent, c'est une première pour lui, c'est un joueur All-Star, et c'est rare qu'on ait des joueurs All-Star qui participent au concours, donc félicitations à lui. Est-ce que Jakob Toppin peut être l'outsider, celui qu'on n'attend pas, le joueur de G-League qui reprend le flambeau de son frangin, reprend la couronne, ramène la couronne à la maison? Est-ce que c'est Jakob Toppin notre favori parce que c'est un X et qu'on veut y croire, ou on voit quelqu'un d'autre? Non, je pense que... Moi je dis oui, je dis Toppin. Moi je dis le doublé de McClung. Déjà d'une parce que j'adore ce nom. C'est dur à prononcer. C'est, comme je dis, en fait, là encore une fois, c'est des parents, ils ont voulu se faire un kiff, quoi. Mac McClung, c'est marrant. Et parce que déjà, l'année dernière, ils nous avaient sorti un super set. Et je pense qu'ils préparent encore une fois quelque chose de chouette. On sait que c'est un dunker. Donc peut-être que les autres joueurs ont moins de temps pour le préparer, quoique Jakob Toppin joue comme lui en G-League, parce que Mac McClung est un joueur de G-League. Mais je pense au doublé de MMC. Ok, et moi je vais voter pour Jakob Toppin. Oui. Toppin. Et alors je sais pas pourquoi, je sens le petit truc avec le frangin. Parce que ça aurait pu être sympa que le concours, justement. Genre il va lui tenir Toppin. Le ballon, ou il va lui passer. Il va y avoir un truc, ou il va lui passer par dessus, ou il va avoir un truc comme ça. Je sens le petit truc venir, et ils l'auront répété. Je pense que les frangins, ils se préparent un petit kiff, Ouais. Ou alors il va porter le numéro de Toppin Onyx. Enfin, je sais pas, il va peut-être avoir un truc. Bon, voilà. Ça sera peut-être pas beaucoup dans l'artifice avec des dernier accessoires, vainqueur, mais... Obi, dernier vainqueur. Et oui, tout à fait. Dernier vainqueur des Knicks. Côté Knicks, bien sûr, c'est Mac McClung. L'année dernière, Jericho Sims avait plutôt fait pâle figure sur ce concours. On savait, donc, voilà. Naze, c'est encore... avec son papier, là. Ouais, 10 sur 10, il avait arraché l'enveloppe. Il était passé à côté de son concours. Il n'était pas trop dans le spectacle. Espérons que Jakob soit un peu plus dans le show pour nous faire rêver, hein. Et voilà, donc on va pas vous dire que JB, Jalen Brunson va finir MVP du All-Star Game, ça, le match, c'est encore notre histoire, mais en tout cas, le concours, la soirée des concours, ça peut être sympa à voir, et on aura pour sûr l'occasion de supporter Denix pour ses concours. Voilà, donc dites-nous en commentaire de cette vidéo votre pronostic pour la semaine, des victoires, des défaites d'Enix. Bien sûr, il y a eu deux matchs à pronostiquer, ça va aller assez vite. Et puis, votre commentaire, votre pronostic pour le meilleur shooter à 3 points de la soirée des concours et le meilleur dunker. Et puis, on aura l'occasion de débriefer ça dans l'épisode 79. Quand ça? Lundi prochain sur KNF TV. Parce que oui, il y aura un épisode lundi prochain sur KNF TV. Ça doit être le All-Star Break. On sera au rendez-vous. On aura l'occasion de vous reparler de tout ça. C'était une grosse émission, il y a une grosse trade deadline, fallait qu'on revienne dessus, on vous a donné pas mal de notre point de vue. Les Knicks sont-ils contenders? Vous pouvez aussi nous le dire en commentaire. On aura l'occasion de voir tout ça ensemble sur KNF TV pour Avenix Week, parce que des semaines des Knicks, et des bonnes semaines. On va avoir un paquet encore à vous souhaiter. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous lundi prochain. Après, on préparera les valises et puis on ira pour un petit trip associatif. Donc, on a encore pas mal de choses à vous proposer sur KNF TV. Bonne semaine à toutes et à tous. Voisin du dessous, bonne semaine à toi. Ouais, il n'y a plus besoin de regarder. Quand tu vas crier sur les dunks du jeune Topi, là. C'est pas Obi, Topin. Ouais, du Jacob, de GT. Jacob. Un Topin peut en cacher un autre, je vous le dis. Et n'oubliez pas les petits Topins sur les glaces, non, aussi. Oh oui, il y a plein de choses à faire avec les Topins. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à toutes et à tous, et rendez-vous à très vite sur KNF TV pour le prochain épisode. Bye bye!